Chris Teflon boire comme bouclier d'une garde étrange. Je suis trop black and yellow, vas-y mollo, relax. Si t'es en vélo pis t'as pas de casse, t'avais besoin d'un poumon, fait que t'as vendu ton homme à plat. Yellow, vélo, philo, bio, mal à jupe, pas de philo. Dis aux autres que le hip c'est de suivre des orignons. Vise les mosquitos, j'ai même pas d'hydro. Fuck le provigo, chasse des perdres pis des troncs. Du pain blanc pis du coke, pis les adultes, les enfants pis les autres. Vente qui fat, si t'es grosse, fais bouger ta cellulose. Mais ils ont des jeunes fonds qui fan, smoke une cig, demande une autre. Profit de piastres, t'es décapsulé, t'as-tu perdu toutes tes bons. C'est qu'avec un pack de cigs, t'es flondon. Chill avec un coup au trou, tu sais que t'es flondon. C'est qu'avec un pack de cigs, t'es flondon. Sip un peu un tour du cigre. J'ai déjà vu des petits bonhommes verts, ça dépend dans mon assiette que j'ai mangé le soir. Dip ton légume dans la trompette, voir les gars marchent les sacs, ben remplis-toi. Oh, c'est moi, tu es du cona, feu dans la maison, que le bison là. Pas en Arizona, mais au Texas, ça joue du drum avec Hey Willy Willy. Bonne mêlée, mêlée, mais pas t'as joué pas l'hiver. T'as-tu pogné ton billet pour le tour de l'univers? Du gulliver, des fois que je m'en fasse plus hiver, c'est du clair. Fonce dans le fond du cigare. Qui était toute perte de poids ou autre? On vous aime bien dans votre peau. Oh, si t'as pas ta face post, je veux pas checker tes Joe. Yo, à 200 piastres, ça go, on part nulle part. On fait pas tous des gros garages et bords en arrière du char. 13 piastres de l'heure pour mes gardes du corps. Pop du fort, tu fais une plaque plus tard. De flondon, c'est qu'avec un pack de cigs, de flondon. Chine vous autre, tu sais que de flondon. C'est qu'avec un pack de cigs, de flondon. Sip un peu un tour du cigre. Génie en l'air, toujours aux commandes du vaisseau. T'es qu'est-ce que mon gosse, pas la fin du tableau. You know, c'est le deed de ce qu'ils disent. T'as fait que ni mini van des limites. Toi tu frises du tout prêt comme le Saint-Esprit. Moi j'ai la tête à papy, non, psychopratique. J'm'intéresse aux animaux, pis j'poffe des haricots, ma shit. Un panini, deux amis, bi, trois alibis, quatre à midi, quatre à midi, vignes, cinq à tigui. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, mon effort, t'es flondon. Tu te jettes un pack de cire, voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là, mon effort, t'es flondon. Tu te jettes un pack de ha. C'est qu'avec un pack de cire, t'es flondon. Tu ne vous autour, tu sais que t'es flondon. C'est qu'avec un pack de cire, t'es flondon. Son, c'est un peu un tour du cigre. Pack de cire. Tu ne vous autour, tu sais que. C'est qu'avec un pack de cigs, c'est flondon. C'est un peu un tour du cigre. Pack de cigs. Pack de cigs.